Section 2 de Deux petits sabots par Ouida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 2. Si je pouvais épargner un centime par jour, j'achèterais une paire de bas au printemps prochain, pensait bébé en admirant ses souliers le lendemain matin. Mais un centime n'est pas peu de chose en Brabant, où toutes les femmes jeunes et vieilles font de la dentelle, moyennant un salaire dérisoire, les fabricants sachant trop qu'ils ne manqueront jamais d'ouvrières. D'ailleurs, si je pouvais mettre de côté ce centime, les Van Hart devraient l'avoir, ajouta-t-elle. Il était si égoïste de désirer le superflu quand ces pauvres petits n'avaient pas le premier nécessaire. Bébé renonça donc bravement à son rêve et s'en alla jardiner. « Avec des bas, je serai moins à mon aise, » se dit-elle, armée désormais d'une sage philosophie. Lorsqu'elle arriva en ville ce jour-là, sa chaise, qu'elle renversait d'ordinaire dans la crainte de pluie, était en place, et sur le siège de jonc s'étalait une boîte élégante, comme celle que les gens riches offrent pleine de bonbons au jour de l'an. Bébé, debout, promenait ses regards stupéfaits de la boîte au broduit, du broduit à la boîte, cherchant autour d'elle des explications. Mais ses voisins n'arrivaient pas d'aussi bonne heure, les tameurs exceptés, qu'absorbait en ce moment une querelle avec sa femme. La boîte était certainement pour elle, puisqu'on l'avait posée sur sa chaise. Bébé hésita une seconde, puis elle souleva le couvercle petit à petit. Dans un nid de satin rose reposaient deux paires de bas de soie avec les plus jolis coins de couleur. Elle jeta un petit cri, joignit les mains, et le sang monta brûlant à ses joues. Cependant, la place commençait à se peupler, les affaires s'engageaient au bruit des cloches. Bébé cacha la boîte derrière elle et fit ses bouquets le cœur palpitant. Jamais encore elle n'avait vu les fées mettre debout une chaise, et cet acte, incompatible avec leur nature éthérée, ne laissait pas de la troubler. Vers une heure après-midi, une question lui fit lever la tête. « Avez-vous encore trois roses mousseuses pour moi ?» C'était son compagnon de la cathédrale. Elle avait pensé beaucoup à ses souliers rouges, à ses agrafes d'argent, mais n'avait pas pensé à lui. « Vous ne serez pas trop fière aujourd'hui pour vous laisser payer, » dit-il en lui donnant un franc. Il ne voulait plus l'effrayer par la vue de l'or. Elle le remercia et continua d'assortir ses œillets. « Vous ne paraissez pas vous souvenir de moi, » dit-il avec un peu de tristesse. « Si fait, mais je parle à tant de gens qui ne me sont rien. Qui donc vous êtes quelque chose ?» À cette demande insidieuse, elle répondit sans hésitation ni détour, « Les petits Van Hart et la bonne vieille Marie, là-bas, sur le quai, et la tombe du père Antoine, et mon oiseau, et d'abord mes fleurs. Les fées aussi, je suppose, bien qu'elles ne fassent rien pour vous. « Elles ont fait quelque chose aujourd'hui ?» s'écria vivement bébé. « J'ai trouvé une boîte, des bas, oh les beaux bas, tout en soie, n'est-ce pas curieux ?» « Il est bien plus curieux qu'elle vous ait oublié si longtemps. Puis-je les voir ?»« Non, pas tout de suite. Ces dames vont acheter. Mais je vous les montrerai plus tard si vous voulez attendre. »« J'attendrai en dessinant le broduit. »« Vous êtes donc peintre ?»« Un peu. » L'étranger s'assit près de son éventaire. Il se mit à dessiner au milieu du marché. Il était plus vieux qu'elle de beaucoup d'années. Son beau visage changeant exprimait surtout l'insouciance. Vêtu de velours brun, une cravate rouge autour du cou, il ressemblait assez à ce que devait être Egmont, amoureux de Claire. Bébé, tout en vendant ses fleurs, suivait le mouvement de ses doigts. Habituée à la foule, elle passait au milieu d'elle comme dans un champ de blé. Seulement dans un champ, elle se fut arrêtée pour cueillir un coquelicot, et dans les rues, elle ne remarquait personne. Sa conduite avec les hommes était la même qu'avec les femmes, simple et franche. Quand on lui disait qu'elle était jolie, elle souriait comme si on lui eût dit que ses fleurs sentaient bon. Mais les mains de celui-ci étaient si habiles, et sous elles son cher broduit prenait si vite forme et couleur, qu'elle ne pouvait s'empêcher d'admirer, et deux fois elle se trompa en changeant la monnaie d'un client. D'autres, du reste, s'émerveillaient comme elle, et de façon moins discrète. Le flamand n'a rien de la courtoisie française. Il reste paysan, fût-il élevé en ville. L'insolence hargneuse du gueux le caractérise. Patient, économe, industrieux toujours, il n'est jamais poli. Aussi bon nombre de badauds s'attroupèrent-ils autour du peintre, le dévisageant, chuchotant, se poussant les uns les autres, comme si l'on n'eût jamais vu de pinceau dans le pays de Rubens. « N'avez-vous pas honte ? » s'écria bébé en se levant. « Fi, n'y a-t-il pas assez de tableaux dans les galeries et les églises pour que vous tourniez la bouche bée autour d'un étranger ? voilà le gendarme qui vous fera bien finir. Monsieur, asseyez-vous dans ma boutique. Ils n'oseront pas vous y déranger. » Il transporta sous l'auvent sa boîte et sa palette, tandis que la multitude se dispersait en riant. On avait l'habitude d'obéir à cet enfant gâté. Le croquis prit des heures. L'inconnu était pourtant rompu à toutes les difficultés du crayon et de la couleur. Il avait l'habileté d'un maître, mais plus de la moitié du temps fut employé à regarder les trésors de bébé passer aux mains des acheteurs. Comme on n'achetait pas toujours, il l'amenait à lui parler. Dans un intervalle plus long que les autres, elle montra les bas merveilleux. « Croyez-vous vraiment que ce soit les fées ? » demanda-t-elle d'un air inquiet. « En doutez-vous ? Lorsqu'on croit aux fées, peut-on admettre des limites à leur puissance ? Ainsi, vous porterez des bas de soie. Seulement, croyez-moi, vos pieds sont bien plus jolis tout nus. » Bébé se mit à rire en jetant un nouveau regard furtif dans les crins de soie rose. Elle semblait perplexe néanmoins. Se tournant tout à coup vers lui, « Ce n'est pas vous qui les avez mis là ?»« Moi, jamais. » »« Vous en êtes sûr ?»« Tout à fait. Pourquoi le demander ?»« Parce que, » dit bébé, fermant résolument la boîte, « parce que je ne les prendrai pas en ce cas. » « Vous êtes étranger, et on m'a enseigné qu'un cadeau était une dette. Pourquoi donc en acceptez-vous des petits Van Haar, ou du bonhomme qui vous a donné les agrafes ?»« Ah, c'est bien différent. Quand les gens sont très pauvres, également pauvres, les petits présents qu'ils se font entre eux à grand-peine sont acceptés volontiers, comme tous les sacrifices. Supposez que vous veillez un malade, il vous le rendra certainement à l'occasion, n'est-ce pas ?»« Vous parlez très gentiment, mais pourquoi ne pas prendre le cadeau de qui n'est pas pauvre ?» Parce que je ne pourrais le rendre, croyez-vous ? Le sourire de ses yeux l'éblouit un instant. Il était si étrange et si lumineux, mais elle ne comprit pas. Non, répondit-elle sérieusement. J'aurais beau faire des économies, il ne me serait pas possible de rien acheter qui fût digne de vous faire plaisir. Je serais malheureuse avec cette dette sur le cœur. Est-ce vous qui avez mis là les bas ? Non. Le mensonge s'éteignit sur ses lèvres. Les yeux de la jeune fille, clairs comme le cristal, l'interrogeaient si naïvement. « Eh bien, supposons que ce soit vrai. Vous les désiriez. Quel mal y avait-il à cela ? Auriez-vous la méchanceté de les refuser ?» Deux grosses larmes gonflèrent les paupières de bébé. « Je vous donnerais une fleur, tous les jours, pendant une année entière, murmura-t-elle, que je ne pourrais les payer. Pourquoi m'avoir menti ? Un homme ne doit jamais mentir. » Elle poussa la boîte vers lui et se remit à vendre ses bouquets. Sa voix tremblait un peu, lorsqu'elle répondit à quelqu'un qui lui demandait le prix d'une botte de réséda. Il continuait de peindre. La pauvre fille l'épiait à la dérobée. Peut-être l'avait-elle offensée. Le soir vint, les ombres s'allongèrent, les paniers de bébé étaient vides. S'il eût voulu seulement lever la tête, mais il la tint obstinément inclinée sur la toile. Sans cela, elle aurait vu qu'il souriait, et il était résolu à ne point lui venir en aide. À la fin, elle lui tendit timidement un petit bouton de rose qu'elle avait gardé tout le jour dans un coin de son panier. « Je vous ai fâché, je n'en avais pas l'intention, mais je ne peux accepter les bas. » Il prit le bouton de rose en évitant toujours de rencontrer ses yeux. « Oublions tout cela, si vous n'en voulez pas, laissez-les. À quoi me servirait-il ? » « Je ne peux pas. » Elle savait qu'elle agissait bien. Par quelle magie la troublait-il, comme si elle eût mal fait ? « Eh bien, laissez-les, vous dis-je. » « Vous n'êtes pas la première, ma chère, qui ait répondu ainsi à un désir accompli. C'est une façon qu'a votre sexe de récompenser les dieux et les hommes. Eh, sorcière, voici une aubaine pour toi. Cela se vendra toujours 10 francs dans la ville. » En parlant, il lançait la boîte et son contenu à une vieille porteuse de pain qui passait avec une charrette traînée par un chien. Puis il se remit à nettoyer sa palette. Les larmes jaillirent des yeux de bébé lorsque le don des fées disparut pour toujours, emporté par cette horrible vieille. S'il l'avait gardée, elle n'eût éprouvé que la joie d'avoir fait son devoir, mais ce n'était pas le dessein de cet homme qu'elle fût contente. Il fit semblant de ne pas voir ses pleurs. « Bonsoir, bébé, » dit-il froidement. « Demain, je reviendrai peindre, mais je ne vous offenserai plus par des cadeaux. » Bébé releva le front et le regardant droit dans les yeux avec une énergie soudaine. « Monsieur, » dit-elle d'un ton où la fierté se mêlait au chagrin, « vous me faites injure. » Je vous suis reconnaissante, mais si j'avais accepté, vous auriez le droit de prendre mauvaise opinion de moi. Je ne sais pas parler, je suis trop vive. Cependant, je ne suis pas ingrate. Non, en vérité, seulement, je ne prends que ce que je puis rendre, comme le père Antoine me l'a recommandé. Vous n'êtes pas en colère, dites. Elle suppliait maintenant, mais il ne fit que rire, en répondant bonsoir, et la laissa sur la place. Le cœur de bébé était bien lourd lorsqu'elle reprit le chemin de sa demeure. Que lui importait cependant l'opinion de cet étranger? Elle renvoya les enfants et refusa d'aller prendre du café chez la mère Crêpe ce soir-là. Rien ne l'intéressait. Elle voulait être seule avec ses fleurs, à qui elle pouvait dire tant de choses, car les fleurs appartiennent au pays des fées. Les fleurs, les oiseaux, les papillons sont tout ce que le monde a gardé de l'âge d'or, les seules choses complètement belles qui soient sur la terre, toujours joyeuses, innocentes, presque divines, inutiles, disent les gens qui sont plus sages que Dieu. Bébé travailla tard dans son jardin et se coucha sans souper. Elle ne savait ce qu'elle avait. « Vilain pied nu, » dit-elle, assise sur le bord de sa couchette et le regardant au clair de la lune. Il n'aurait pas été aussi joli à beaucoup près dans le satin, mais elle ne savait pas cela. Le volet était ouvert. Au-dessus du jardin, perdu dans l'ombre, il y avait une bande étroite de ciel où brillait une seule étoile. La vigne cachait le reste. Mais bébé ne voyait que le broduit qui ressortait noir sur les nuages rouges du couchant, les vieilles pierres grises, le marché désert et deux grands yeux pleins de reproches. Avait-elle donc été ingrate ? Pour la première fois de sa vie, elle dormit mal. Le lendemain, les fleurs se vendirent à souhait. Il faisait beau, tout le monde paraissait joyeux. Bébé trouva cependant la journée longue, la place vide, les vieilles pierres espagnoles plus dédaigneusement muettes que jamais. Jusque-là, elle n'avait point connu l'ennui. Même l'hiver, dans l'atelier sombre et froid, aux vitres glacées, où les ouvrières en dentelle se plaignaient de la fatigue et de la faim, souvent, elle avait été attristée par la misère des autres. Mais ce n'était pas cet ennui qui ôtait toute gaieté au mouvement qui l'entourait, qui effaçait le bleu du ciel. Le jour terminé, bébé poussa un grand soupir. Elle avait si bien abrité contre le soleil une petite rose mousseuse avec une branche d'églantier et de fins capillaires qui croissaient au bord de l'étang. Et personne n'en voulait. Le carillon la décida enfin à quitter sa boutique. Elle s'en alla jusqu'au quai, où les voûtes, les porches, les pignons semblaient se pencher sur la noire surface du canal, où s'entassent les barils, les balles, les bois de charpente, tout le fret des bâtiments qui, d'un bout à l'autre de l'année, se rendent aux Uydersee, à la Baltique, aux dunes sablonneuses de Hollande, aux rivages de Suède, d'Écosse, de France, et qui en reviennent. Bébé aimait aller respirer là l'odeur forte et saline de cette chose inconnue. La mer, et entendre quelques matelots qu'elle connaissait parler des contrées lointaines qu'elle se figurait comme il arrive aux poètes pour leur malheur, belles d'une toute autre beauté que celle de la terre. Mais cette fois, bébé ne descendit pas sur le quai. Elle gravit une échelle aussi rapide que celle qui conduisent au sommet des tours de Sainte-Gudule et entra dans une mansarde dont l'étroite lucarne donnait sur le canal. De là, on voyait tous les navires. Depuis le yacht doré qui fait sur la Seine des excursions de plaisir jusqu'à la barge à charbon, noire comme la nuit, qui porte les rudes diamants de la Belgique aux cheminées de Christiana et de Stromshoon, ensevelies sous la neige. Devant cette lucarne, une très vieille femme piquait, à l'aide d'une épingle, des dessins de dentelle sur du gros papier. Bébé lui sauta au cou. « Tenez, Mère Marie, voici des groseilles qu'on m'a données au marché avec un petit pain. « Les garder pour moi ? Oh, vous savez bien que je becquette des fruits partout comme un moineau, et cela va mieux aujourd'hui ?» La petite vieille, brune comme une noix, sèche et frêle comme un roseau, prit les groseilles avec un plaisir d'enfant. « Pourquoi n'as-tu pas une grand-mère ? » marmottait-elle tout en grignotant. « Tu serais bonne pour elle, bébé. » Bébé ne songeait jamais qu'au nénuphar quand il s'agissait de famille. Elle goûta médiocrement l'idée de son amie. « Voyons votre ouvrage. Vous avez fait tout cela ? Tout cela ? Bon, en voici assez pour une semaine. Vous travaillez trop. »« Quand il s'agit de gagner son pain, mais j'ai peur que ma vue ne baisse. Est-ce bien fait ? À merveille ! Croyez-vous que le maître prendrait vos patrons s'il n'était pas bon, lui qui coupe un liard en quatre ? C'est vrai, mais cependant, je ne vois plus comme autrefois les pavillons des navires. »« Parce que le soleil brille trop, voilà tout. Moi-même, quand j'ai passé la journée sur la place en plein soleil, je trouve mes fleurs toutes pâles. Et ce n'est pas la vieillesse, vous savez. » Elles éclatèrent de rire ensemble. « Tu as le cœur gai, petite. Que la Sainte Vierge te garde toujours ainsi. Puis-je mettre votre chambre en ordre ? Sûrement, chérie, et merci. Je n'ai pas beaucoup de temps ni de force pour la ranger. » « Il fait si humide ici sur l'eau, » dit bébé en époustant et balayant. « Vous auriez dû venir demeurer avec moi, Marie, et vous m'auriez rendu grand service en veillant à ce que mes poules n'aillent pas, aussitôt que j'ai le dos tourné, gratter les plates-bandes. Ne changerez-vous jamais d'avis, mère Marie ? Je suis sûre que vous seriez heureuse chez nous. C'est si vert, cela sent si bon. Et le Sansonnet dit déjà votre nom. Il n'y a pas de bête plus amusante. » « Non, mon enfant, » dit la vieille Marie, « tu me l'as souvent offert, et je te remercie de ta bonne intention. Mais je ne peux pas quitter le bord de l'eau, j'en mourrai. Par la fenêtre, j'ai vu s'éloigner le brick de mon homme, jusqu'à ce que les mâts eussent disparu dans le brouillard, chargé de fer pour la Norvège. Un bon navire, la Fleur d'Épine, un navire sûr, et lui, digne d'elle, fier comme aucun, avec une petite Sainte Vierge en plomb autour du cou. Elle devait rentrer au port sous 8 mois, la Fleur d'Épine, rapportant du bois de construction. 8 mois, cela nous conduisait à Pâques, mais elle ne revint jamais, jamais. J'attendais, assise à cette place. Mon enfant tomba malade et mourut. L'été s'écoula, puis l'automne. Sans relâche, je guettais. Tous les briques se ressemblent. Seulement je distinguais toujours le sien, aussitôt qu'il était en vue, parce qu'il avait coutume d'attacher à son mât de misaine un écheveau de lin, et quand il était rentré sain et sauf à la maison, je filais le lin pour lui faire des choses. C'était une fantaisie qu'il avait. Il fit 11 voyages, sans manquer jamais d'attacher la filasse. Mais la 12e fois, je ne vis ni les chevaux, ni le brave brick, ni mon homme. Seulement, un jour d'hiver, que flottaient de grands bancs de glace, un caboteur entra au port et nous apprit que dans les eaux du Danemark, il avait rencontré un brick à moitié coulé, dont la coque était ouverte en deux, et tout l'équipage perdu, sans doute. Il rapportait une planche de l'arrière sur laquelle était peint en blanc le nom de la Fleur d'Épine de Bruxelles. Voilà tout ce que nous avons jamais su. Personne n'a pu me dire comment il avait péri, s'il était mort en somme. Un jour, qui sait, un de ces navires qui entrent à chaque instant me le ramènera peut-être. Il sautera sur le quai et j'entendrai sa grosse voix réjouie dans l'escalier. « Marie, Marie, voilà de quoi filer. Tu vois donc bien qu'il n'est pas possible que je m'en aille. S'il arrivait et ne me trouvait plus, il penserait que j'ai drôlement porté son deuil et je ne pourrais pas, moi, me passer de la fenêtre. D'ici, je sens l'odeur de goudron que j'ai aimé toute ma vie, et je vois les hommes ferler, carguer, virer, raccommoder leurs voiles, monter et descendre leurs pavillons. Non, la mer ne l'a pas pris, car on dit que Dieu est bon. » Bébé savait depuis longtemps que Marie était sourde aux cloches qui sonnent les heures, qu'elle ne se rendait compte ni des rides, ni des cheveux blancs, et qu'elle ne pensait qu'à son mari naufragé, tel qu'il était dans sa jeunesse. Cette fois, pourtant, la vieille histoire lui causa une émotion nouvelle. Est-il possible qu'un seul être soit tout au monde pour un autre être ? Cela doit être terrible, et cependant bien beau. Est-ce que tout le monde souffre autant ? Elle s'occupait du ménage sans que la pauvre femme prît garde à elle désormais. Marie avait écarté le petit rideau qui couvrait la lucarne et contemplait l'eau à travers le crépuscule. Les matelots s'interpellaient. Les navires s'effaçaient dans l'obscurité croissante, de l'autre côté du canal tintait l'Angélus. 11 voyages, et jamais il n'avait oublié les chevaux de lin, murmurait-elle. Je le vois encore voltiger, à 1/2 mille de distance, tout blond, tout pâle, comme une tresse de mes cheveux, à ce qu'il disait. Non, je ne m'en irai pas. Il peut revenir ce soir, demain, qui sait. Je n'avais que lui, et Dieu est bon. Bébé l'embrassa tendrement, prit les patrons qu'elle se chargeait de rapporter à l'atelier depuis 4 ans que la mère Marie ne pouvait plus travailler hors de chez elle, et la laissa tout absorbée dans une méditation dont il était impossible de la tirer quand une fois elle en suivait le cours. Le monde disait qu'elle n'avait jamais été saine d'esprit depuis le fatal hiver où un caboteur avait rapporté dans le port la nouvelle du naufrage de la Fleur d'Épine. « Ce que ce doit être d'aimer quelqu'un comme cela, » répétait-elle pensive. Par une vague association d'idées, elle souleva les feuilles qui restaient au fond de son panier et regardait le bouton de rose mousseuse. Il était mort, mais à moitié chemin de la quenne, une ombre traversa le gazon qu'elle foulait, et une voix qui la fit tressaillir lui demanda gaiement « La journée a-t-elle été bonne ?»« C'est vous ? » s'écria-t-elle en apercevant son ami au bas de soie, nonchalamment appuyé contre une barrière le long de la route déserte. « Oui, c'est moi !» Et il la rejoignit. « M'avez-vous pardonné ?» Elle leva vers lui des yeux pleins de prières, comme ceux d'un enfant qui se repent. « Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me demandais si j'avais bien fait, tout en étant sûr que j'aurais eu tort si j'eusse agi autrement. Il se mit à rire. « Voilà ce qu'on tire des cas de conscience. N'y pensez plus, mon enfant, pas plus que je n'y ai pensé moi-même. » Ces derniers mots lui causèrent un vague désappointement. Ainsi, il ne s'était pas soucié de cette grande affaire qui lui avait fait appeler toute la nuit à son aide les 16 anges du sommeil. « Et où courez-vous aussi vite que si vos sabots étaient les sandales de Mercure ?»« Mercure, c'est un cordonnier ?»« Non, ma chère, demeurez-vous par ici »« Là-bas, » dit bébé, stupéfaite, qu'il eût oublié tout ce qu'elle lui avait dit la veille de sa cabane et de ses voisins. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu achever votre tableau ? J'avais une rose pour vous, mais elle est morte. » « Vous m'avez attendu un peu ?»« Toute la journée. J'avais si peur de m'être montrée ingrate. »« C'est bien aimable à vous. Les femmes ne sont jamais reconnaissantes, petite, sauf quand on les maltraite. La nature leur a donné un cœur de chien. » Bébé se sentait de plus en plus troublé. Ce ton léger, moqueur et sceptique la blessait, comme une anomalie, par cette douce soirée d'été, sereine et paisible. « Qu'est-ce qui vous presse ? Il n'est pas tard. Je vous accompagnerai. » « C'est que j'ai à préparer les patrons de la mère Marie, » dit bébé, heureuse qu'il parlât enfin de choses à sa portée. Sa main tremble, elle ne voit presque plus, de sorte que son poing est tout de travers, sans qu'elle s'en aperçoive, heureusement. Le maître ne prendrait pas les patrons comme ils sont. Je les repique sans rien dire sur du papier neuf, et elle est payée tout de même. C'est bien facile de la tromper, voyez-vous, puisque je fais ses commissions. « Vous êtes une bonne fille, bébé, » dit l'étranger, d'un ton plus sérieux qu'auparavant. « Qu'est-ce que cette mère Marie ?»« Une bien vieille femme, allez. Son homme a été noyé il y a 60 ans, et elle l'attend encore, soir et matin. »« Que vous disais-je ? Le cœur de chien. Sans doute il la battait et avait d'autres femmes dans une 50aine de ports différents. »« Oh non !» fit bébé, avec un petit cri de douleur, comme si cette injustice envers un mort lui eût fait mal. « Elle ne m'a jamais dit cela. Il était bon, il l'aimait. » Ils étaient heureux entre ces voyages. Comment le regretterait-elle si longtemps sans cela ? Il sourit d'un air de pitié. Vous ne connaissez pas les femmes. Soyez sûr qu'il la battait. Quand deux êtres s'aiment, l'un tient le fouet et s'en sert. L'autre tend le dos au cou. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Quand donc ? Il sourit encore. Ah, demain peut-être, ou l'année prochaine, ou quand la destinée voudra. Quand je voudrai, plutôt, pensa-t-il, tout en reposant son regard avec un certain plaisir sur les petits pieds qui effleuraient l'herbe auprès de lui et sur le joli cou qui se montrait chaque fois que le vent ou la marche rapide déplaçait une guimpe blanche. Bébé l'observait aussi. Elle le trouvait très beau en le comparant au type brabançon, lourd et sans caractère, qui l'avait toujours entouré. « Vous êtes du pays de Rub, n'est-ce pas ? » lui demanda-t-elle. « De quel pays ?» « Celui des gens que l'on voit dans des cadres d'or. Seulement, vous n'avez pas de faucon ni d'épée. Je ne savais d'où ils venaient, tant ils sont différents des hommes d'ici. Mais une femme de peine que je connais, qui gratte le plancher des galeries d'Arenberg, m'a dit « Nous n'en verrons plus de pareils. Ils viennent du pays de Rub. Et pourtant, vous en venez aussi. » Il comprit ce qu'elle voulait dire, sachant que Rub était, dans la bouche des Néerlandais, l'abréviation rustique de Rubens. « Peut-être bien, » répondit-il, jugeant inutile de la détourner de chimère qui le grandissait à ses yeux. « Et n'avez-vous pas envie de voir le monde de Rub où tout brille, de vivre comme les faucons des tableaux dont vous parlez, à ne rien faire, avec un collier d'argent et un chaperon brodé de perles ?»« Non, » dit simplement bébé, « je serais bien aise de voir ce monde-là, mais pour y demeurer, j'aime trop ma maison. Que deviendrait le jardin sans moi, et les enfants, et la vieille Marie ? Il n'y a qu'une chose que je désire. » « Laquelle ? Savoir, n'être plus ignorante. Je ne lis pas trop mal, c'est vrai, mais je n'ai à lire que mes heures, et quelquefois un bout de journal, chez les Krebs. Et je sais le français parce que Antoine, qui était français lui-même, ne m'a jamais parlé flamand. Mais ce que je voudrais apprendre, c'est ce qui s'est passé avant ma naissance. Tenez, on dit que Sainte-Gudule a été bâtie il y a des milliers d'années, et que Rub était un peintre roi, quand la vieille Marie elle-même n'existait pas encore. » Les livres doivent dire tout cela, car un marchand de livres dans la rue du musée, à qui j'ai demandé à quoi servait sa marchandise, m'a répondu « à rendre les hommes sages ». Bach le savetier n'est pas de son avis. « Ne va pas le croire, me dit-il, les livres ne servent qu'à embrouiller l'esprit, car l'un soutient ceci et l'autre cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se soit perdu dans des mensonges contraires. et tu ne verras jamais un individu qui aime les livres savoir tenir une pioche ou une haleine. Mais Bach a tort, n'est-ce pas ? Je n'en suis pas sûr. C'est peut-être l'observation la plus juste sur la littérature que j'ai jamais entendue, et elle fait grand honneur au jugement de Bach. La mère Krebs aussi, reprit Bébé, prétend que quand une femme sait filer ou pétrir le pain et traire une vache et faire ses prières, c'est tout ce qu'elle a besoin de savoir de ce côté-ci du ciel. Tous les voisins se moquent de moi, mais ce n'est pas ma faute. Chaque fois que je regarde la cathédrale ou l'hôtel de ville, je me demande quels hommes les ont faits, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, comment ils ont pu tailler la pierre en feuillage, où ils ont trouvé toutes ces têtes d'anges, des vitraux. Si vous venez du pays de Rub, vous devez le savoir. La clé du pays de Rub est dans les livres. Voulez-vous que je vous en donne, que je vous en prête, puisque les cadeaux vous effarouchent ? Les yeux de Bébé étincelèrent. J'ai lu 50 fois les livres de Monsieur le curé, la vie de Sainte-Anne, celle de Sainte-Catherine, de Saint-Liévin, mais il n'en a pas beaucoup. Très bien, vous lirez des livres à moi, mais comment trouverez-vous le temps de lire ? Vous êtes occupé comme une petite abeille. Bébé rit avec délice. Donnez-moi les livres et ne vous mettez pas en peine. Il fait jour de si bonne heure. Savez-vous ce que c'est que la poésie, bébé ? Non. Vos fleurs vous parlent cependant. Ah, toujours, mais personne ne les entend que moi et personne n'y veut croire. Eh bien, les poètes sont des gens qui entendent parler les fleurs et les arbres et la mer, les pierres elles-mêmes. Ils sont seuls à entendre, eux aussi, de sorte que, lorsqu'ils écrivent tout cela, le reste du monde dit « C'est fort beau, sans doute, mais bon pour les rêveurs. On n'en fait pas de pain. Je vous donnerai de la poésie, bébé, car je crois que vous vous souciez plus de rêves que de pain. » « Je ne sais pas, » dit-elle, et elle ne savait en effet rien d'elle-même, pas plus que l'œillet ne connaît sa couleur et son parfum. Avec une sorte de pitié, il pensa « Est-il nécessaire qu'elle sache ?» Dans quelques années, les aspirations vagues de sa première jeunesse tomberaient d'elles-mêmes comme les fleurs du tilleul sous les ardeurs de l'été. À peine lui en resterait-il assez pour faire battre son cœur au son de l'Angélus ou pour lui inspirer un petit refrain mélancolique près du berceau de son enfant. Faute d'aliments, tout s'épuise et périt. Elle deviendrait une brave flamande laborieuse, contente de peu jusqu'à la fin de sa simple vie, sans tâches, sans événements. Une vie pure comme une goutte de rosée, mais sans plus de couleur, achevée de même qu'elle avait commencé dans ce vert sentier au bord de l'eau, où les cygnes nichaient parmi les saules. Il la vit telle qu'elle serait s'il la laissait à elle-même, un peu plus forte, un peu plus brune, la peau moins douce, ayant appris à calculer, comme ses voisines, le prix de chaque chose, et tout oublié, sauf les petites têtes d'enfants qui se presseraient autour du pot-au-feu. Voilà ce qu'elle saurait s'il la laissait à elle-même. Mais la laisserait-il ? Son regard de colombe était si franc et si candide, elle s'était montrée si bravement honnête à propos des bas de soie. Dans sa rêveuse ignorance, elle ressemblait au bouton de rose fermé de manière à tenter la curiosité des enfants qui l'ouvrent de force sans se douter qu'ils l'empêchent ainsi de devenir une rose épanouie et que la poussière, le soleil, la guêpe, entreront désormais dans son sein déchiré. Les hommes sont de vrais enfants. La veille, celui-ci n'avait été tenté que par la beauté de bébé. Désormais, il y avait quelque chose en elle qui l'intéressait différemment. La fin serait la même, sans doute. C'était le cours naturel des choses. Mais il emploierait d'autres moyens que ceux qui lui étaient venus tout d'abord à l'esprit. La nuit descendit lentement sur le sentier. Dans les maisonnettes lointaines, s'allumaient de petites lumières. Une bonne pensée le domina. « Je te laisserai, se dit-il. Pauvre petite âme, elle ne sera jamais à vendre, mais elle se donnerait sans réserve. Qu'elle dorme tranquille. Ce serait dommage de s'en amuser un jour. » En ce moment, se détacha sur le ciel, d'un rouge obscur, la silhouette d'un jeune homme qui traversait les champs, un fagot sur l'épaule, une cognée à la main. « Tu rentres tard, bébé ! » cria-t-il en flamand. « Un beau garçon, » dit l'étranger. « C'est Jeannot, » répondit-elle. « Un bon garçon, surtout. Il fait vivre sa mère et 3 petites sœurs, et après avoir travaillé si dur dans la forêt, il trouve encore le temps de donner un coup de bêche à mon jardin. Ils font tout mon bois pour l'hiver. » Ils atteignirent le point où la route remonte vers le château du roi. Par-dessus un grand mur pendaient des branches fleuries. Adieu, bébé, vous êtes près de chez vous. Je vous verrai demain, demanda-t-elle. Vous voudriez me voir ? Il balançait encore. S'il ne la revoyait pas, il savait qu'elle resterait fraîche et intacte, comme cette fleur de pêcher sur l'espalier là-bas, jusqu'à ce qu'un paysan passât pour cueillir le fruit parvenu paisiblement à sa maturité, ce Jeannot peut-être. Le passage du jeune bûcheron dans le champ de betteraves, où s'éteignaient les rouges lueurs du soir, suffit à fixer sa résolution chancelante, comme une plume fait incliner la balance suspendue à un cheveu. Peut-être l'eût-il laissé à sa vie de jeune fille et un avenir vague, bien que prévu. Mais, quand cet avenir prit une forme en la personne de ce jeune homme robuste et basané, qui passait par hasard, il n'y fut pas indifférent. L'apparition de Jeannot décida du sort de bébé. « Bonsoir, dit-il, demain j'achèverai le broderie et je vous apporterai votre premier livre. Ne rêvez pas trop, vous piqueriez vos dessins de travers. Bonne nuit, mignonne. » Puis il se détourna vers la ville. Bébé rentra en courant et employa une partie de la soirée à repasser son plus joli bonnet pour le lendemain. Elle chantait, et ses chansons, flottant à travers l'eau et les champs, éveillèrent dans leur lit quelques vieilles gens qui se signèrent sur cette pieuse pensée. C'est la veille de l'ascension. Les anges sont si près qu'on les entend. Non pas les anges, mais ce qui est le plus près du ciel assurément, un jeune cœur humain, innocent et heureux. Fin de la section 2.